notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Jésus-Christ n'est pas resté dans les tombeaux. Pourquoi pleures-tu comme si ton Dieu n'est pas vivant? Écoute-moi, j'aimerais te dire, même si tu es rejeté par les hommes de ce monde, mais le Seigneur ne t'a pas rejeté. Tiens bon, relève-toi. Joseph a été rejeté, mais ceux qui l'ont rejeté l'ont retrouvé élevé. Ils te retrouveront élevé. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Esdras chapitre 8, 1 à 20. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Esdras 8, 1 à 20. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous les règnes du roi Artaxerxès. Des filles de Phiné, Gershom, des filles d'Itamar, Daniel, des filles de David, Atouche, des filles de Shekania. Des filles de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés. Des filles de Parchat, Moab, Eljonaï, fille de Zeracha, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekania, les filles de Zakajel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adim, Ebed, fille de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des filles de Lam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des filles de Shepatia, Zebadia, fille de Michael, et avec lui 80 mâles. Des filles de Joab, Abdias, fille de Jeiel, et avec lui 218 mâles. Des filles de Shelomith, les filles de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bebaï, Zacharie, fille de Bebaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Azgad, Jokanam, fils d'Akakatam, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms: Eliphelet, Jeiel et Shemaéja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bigvai, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des filles de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers les chefs Ido, demeurant à Casiphia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Casiphia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Sherebia, homme de sens, d'entre les filles de Makli, fille de Lévi, fille d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Hashabia, et avec lui Esaïe, d'entre les filles de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Ces vérités concernent les caractéristiques d'un bon leader. Première caractéristique, un bon leader sait associer les autres dans ce qu'il fait, dans sa vision. Esdras revenait de la captivité. Il revenait de l'exil pour aller rebâtir le temple. Mais nous voyons dans ce passage qu'il a associé avec lui les chefs des familles. Le verset 1 dit, « Voici les chefs des familles et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxerxès. Vous voyez, le mot « avec moi » signifie qu'il les a associés. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Je veux parler à un leader. Écoute-moi bien. Quelle que soit la vision que Dieu t'a donnée, tu as besoin de proches collaborateurs. Tu as besoin d'associer d'autres personnes, d'autres leaders qui peuvent t'épauler afin de réussir dans ta vision. Deuxième vérité. Un bon leader doit être attentionné à ceux qu'il dirige. C'est-à-dire, il doit avoir un esprit d'observation. Il doit observer les personnes qu'il dirige pour voir des problèmes éventuels. Vous voyez? Il faut être attentionné, être attentif. Esdras, lorsqu'il a vu le peuple, il a remarqué quelque chose. Les Lévites manquaient. Les Lévites étaient les seconds des sacrificateurs. Nous savons que c'était les Lévites qui s'occupaient, par exemple, de transporter les tabernacles. C'est parmi les Lévites qu'il y avait des chantres, ceux qui conduisaient la louange. Donc, ils étaient d'une grande aide au service des sacrificateurs. Mais il est dit au verset 15, « Je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Ahava et nous campâmes là 3 jours. J'ai dirigé mon attention sur le peuple » et sur les sacrificateurs. Vous voyez un bon leader, il a dirigé son attention. Très souvent, lorsque nous sommes, par exemple, pasteurs, nous sommes évêques, bishops, apôtres, nous devons être attentionnés, c'est-à-dire nous devons nous préoccuper parfois des problèmes de gens que nous dirigeons. Un bon leader, à quelque niveau que ce soit sur le plan politique, administratif, vous avez un peuple que vous dirigez. Vous devez vous préoccuper des problèmes de ce peuple. Vous devez remarquer, lorsqu'il y a un problème, il y a des défis à relever. Mais lorsque on est préoccupé seulement de soi-même, on ne peut pas voir les problèmes qu'il y a dans la vie du peuple que nous dirigeons. Vous voyez, il est dit au verset 15, « J'ai dirigé mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs et j'ai trouvé là aucun des fils de Lévi. » Il y avait donc un problème. Le travail, le ministère, le sacerdoce ne pouvait pas bien s'accomplir tant que les Lévites n'étaient pas là. Donc, c'est parce qu'il était attentif, il était attentionné que Esdras a cherché une solution. Troisième vérité. Un bon leader doit savoir déléguer des responsabilités. C'est un principe essentiel. Quand je suis leader, je suis ministre, je suis président de la République, je suis commandant de l'armée, je suis chef du village, je suis président d'église, je suis pasteur, je dois savoir déléguer des responsabilités. Même en tant que mari, père de famille, je ne peux pas tout faire. Il est dit ici, au verset 16. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie, Meshulam, et les dotés Jojarib et Elnathan. Je les envoyais vers le chef Ido, demeurant à Kazifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devraient dire à Ido, à ses frères, les Nétiniens qui étaient à Kazifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Vous voyez le principe de délégation. Quand on délègue une responsabilité, il faut que l'on donne des instructions précises à ceux à qui on délègue la responsabilité. Esdras a donné même le message. Il dit, voici ce que vous allez dire. Un message qui était clair et précis. Il devrait aller chercher des Lévites. Et lorsqu'on délègue une responsabilité, celui à qui on la délègue doit revenir pour rendre compte. C'est un principe important. Nous voyons cela même dans les ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'à un moment donné, il choisit 70 disciples qu'il envoya dans des villages et dans des contrées où lui-même devrait aller. Et il leur a donné des consignes, le message qu'ils devraient prêcher. Et à leur retour, ils sont venus dire, même les démons nous sont soumis en ton nom. Les principes de la délégation de responsabilité. Si nous ne savons pas déléguer nos responsabilités, nous serons submergés. Nous ne pouvons pas tout faire. Mais celui à qui on délègue la responsabilité ne doit pas chercher maintenant à supplanter les leaders. Lorsqu'on te délègue une responsabilité, tu dois apprendre à être loyal et tu dois apprendre à rendre compte. Parfois, nous avons souvent des problèmes, des conflits, des leaderships parce que chacun ne veut pas reconnaître sa place. Vous voyez, le leader, c'était Esdras. Il a délégué des responsabilités en envoyant certaines personnes pour aller chercher les Lévites. et ces derniers, ils ont appliqué les instructions du leader. Si nous respectons certains principes, nous allons éviter certains conflits de leadership auxquels on assiste aujourd'hui dans nos sociétés, dans l'Église même. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin que nous puissions glorifier ce Dieu pour toutes ces vérités qu'il nous donne, qu'il nous enseigne pour notre édification. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur, le Dieu qui nous a protégés. Il nous a gardés toute la nuit. Le Dieu qui nous aime. Sa bonté durera toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Élevons nos voix. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous protège. Merci. Toi qui nous as gardé toute la nuit et qui nous a accordé cette journée merveilleuse. Nous te bénissons pour cela, ô notre Père, notre Seigneur. Nous te disons merci également, tendre Père, toi qui nous as choisis et qui nous as établis dans ta moisson. Sois béni, ô éternel notre Dieu, toi qui nous as fait confiance. Oui, tu es celui qui nous a choisis et qui nous accompagne dans la moisson. Ta grâce nous suffit, notre Dieu, notre Père. Sois béni, ô éternel notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous connaît, qui connaît nos problèmes et qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es celui qui nous soutient et qui nous conduit jour après jour. Merci, ô Père. Toi, le Dieu qui intervient dans nos vies, quelles que soient les situations que nous traversons. Tu es le Dieu tout-puissant, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois béni, ô notre Dieu, notre Père, toi le Dieu qui veut que nous puissions te rendre compte dans tout ce que nous faisons. Que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et pour aujourd'hui, le texte, c'est Esdras 8, 1 à 20. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir trois grandes caractéristiques d'un bon leader. Un leader doit savoir associer les autres dans la vision, dans ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons besoin des autres. Esdras à associer les chefs de famille, oui, qui devraient montrer avec lui pour rebâtir les temples. Nous allons prier pour nos leaders. Si toi-même tu es leader, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à appliquer ces principes, à savoir associer les autres dans la vision que tu as. Tu as besoin de personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent t'épauler, afin que la vision que Dieu t'a donnée soit accomplie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous élevons notre voix pour te dire merci. Nous élevons notre voix pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions aussi, ô Père éternel, pour nos différentes communautés. Et nous demandons, ô Père, que nos leaders puissent impliquer, associer en leur sein les personnes ressources appropriées, que ceux qui sont compétents, ceux qui sont disposés puissent être placés au bon endroit afin de pouvoir mieux s'impliquer et mieux se donner la main. Nous prions, Père éternel, que par ton Esprit Saint, tu fasses en sorte que nos leaders puissent tendre la main d'association à toutes les compétences au sein de nos différentes communautés, afin que le travail en équipe puisse être plus efficace. Donne à chacun de nos leaders, ô Père éternel, ce sens de responsabilité, ce sens de leadership, afin de pouvoir impliquer les personnes appropriées dans les postes approprié. Merci Père éternel, parce que tu permettras ainsi aux leaders d'éviter les conflits de compétences, d'éviter les divisions, d'éviter les difficultés, les défis au sein de nos différentes communautés. Père éternel, donne cette sagesse, accorde cette sagesse à chacun de tes enfants que tu as appelé, que tu as équipé et que tu as envoyé comme leader au sein des différentes communautés. Merci Père éternel pour toutes les grandes choses que tu fais chaque jour au sein de nos communautés. Merci pour ta grâce. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'un bon leader doit être attentionné aux problèmes de ceux qu'il dirige. Oui, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour nos leaders. Prions le Seigneur pour nos pasteurs. Prions le Seigneur pour nos dirigeants, afin que Dieu leur donne un cœur qui se préoccupe des problèmes de la population, du peuple, du troupeau qu'ils dirigent. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils ressemblent à Jésus-Christ, qu'ils ressemblent à Esdras. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin pour l'exemple que tu nous as laissé dans ta parole. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous voulons te bénir parce que tu t'es donné volontairement. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Beaucoup viennent par intérêt écraser les brebis, manipuler les brebis, dominer les brebis, appauvrir les brebis. Ils ne se soucient même pas de leurs difficultés. Mais nous voulons te prier ce matin parce que ta parole nous enseigne, elle nous instruit, elle nous éduque, elle nous révèle les choses cachées. Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, par ton esprit, suscite ces bons bergers, suscite ces femmes, ces hommes, ces personnes qui se sacrifient, qui dorment. Ô Seigneur, qui vivent au milieu du peuple et qui ne pensent qu'au peuple, parce qu'on a été choisi, établi et envoyé dans le peuple. Nous te demandons d'agir, nous te demandons d'intervenir pour que le peuple soit nourri, le peuple soit béni, le peuple soit guéri, le peuple soit enseigné, le peuple soit visité. Merci parce qu'il y a ces hommes et nous croyons que tu vas les susciter au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir l'autre principe, c'est le principe de la délégation des responsabilités. Oh bien-aimés, prions pour que nos leaders aient cette capacité de déceler des personnes compétentes à qui ils peuvent déléguer des responsabilités. Et que ces personnes à qui ils délèguent des responsabilités soient capables de rendre compte et d'aider les leaders à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération Nous te bénissons, le glorieux et le ressuscité. Sois magnifié ce matin encore une fois de plus. Tu es digne d'être honoré ce matin, nous t'apprécions, parce que tu es notre Père. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore ce matin pour honorer ta parole, pour prier pour cette multitude. Nous prions encore une fois de plus pour toutes les personnes que tu as mises à part, que tu as appelées leaders, qui ont une responsabilité et qui ont une charge sur une multitude de personnes. Nous prions que tu leur donnes la capacité, l'Esprit Saint, encore une fois de plus, pour que ces hommes et ces femmes puissent choisir des collaborateurs, déléguer le pouvoir sur les collaborateurs, leur faire confiance et que ces collaborateurs en retour aussi puissent leur rendre compte parfaitement de toute la délégation qu'ils ont reçue de leur patron, de leur leader. Merci, papa, pour ta grâce et pour cette collaboration. Merci parce que tu mets cet esprit dans la vie de tes serviteurs, des mentors, des chefs, des patrons. Oh Dieu, à quelque niveau que ce soit, afin que le travail, Seigneur notre Dieu, soit en délégation et que le travail soit bien fait à la gloire de ton nom. Merci parce que tout esprit d'orgueil est brisé. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que ce dimanche 3 avril, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Ce sera au CP, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Thème, comment prier pour ouvrir les portes du ciel. 2 Chroniques chapitre 7, 13 à 14. Nous aurons comme d'habitude deux services. Le premier commencera à 16h, le deuxième à 18h. L'entrée est libre. Nous voulons aussi informer que dans une semaine, c'est-à-dire samedi 9 avril, nous aurons notre première sortie des célibataires bonheur conjugal au lycée Mamie Fété de Benjaville. Il faut payer 1500 francs pour avoir votre ticket. Thème, comment connaître le choix de Dieu pour votre mariage. Pour ceux qui viendront ce dimanche, vous pouvez payer vos tickets sur place au CPE. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance.